sortir à tout. DP d'Alpaga. DP d'Alpaga. Oui, donc la manip est terminée sur la Jeanne. Oui, reçu à 13h, vous mettez au corps de la téléphone au 5e passant pour le commerce. Ouais, bien reçu, on peut toujours faire route vers le 5e bassin là. Louis, autrement on a des ouvriers à bord là. Tu peux envoyer une embarcation pour les prendre au passage? Ouais, bien reçu. Reçu.